semble si mystérieux, étrange, mais curieusement inhabituel. Pas un vrai pas, un bel lieu, au timbre, pressé devant les hôtesses. Un décisé, bien heureux, naïf, pas un moment de la paix. Mais à raison.